Chapitre 4e. En temps ordinaire, le poste conquis par Raoul eût été commode et hygiénique. Mais pour qu'il s'y maintînt ce soir-là, il lui fallait une dose peu commune de persévérance. Les torrents de pluie devinrent des cataractes. Coiffé de toiles cirées, blotti sous un carrick à sextuple collet, une chaude couverture roulée autour de ses jambes, le cocher se riait de ce déluge. Guérac, vêtu d'une redingote légère et d'un fin pantalon blanc, fut traversé jusqu'à la moelle. En un clin d'œil, ses bottines s'emplirent, sa chemise se colla sur sa peau, sa cravate déteignit sur sa chemise, et son chapeau dont les bords amollis étaient transformés en gouttière, lui versa dans le cou un fleuve intarissable. Il offrit mentalement ses souffrances à la dame de ses pensées, puis il se réconforta en songeant que l'épreuve serait de courte durée, et qu'une fois édifié sur la rue et le numéro de l'Américain, il lui serait loisible de réintégrer son domicile, de s'éponger en face d'un bon feu et de savourer les délices d'un lit soigneusement bassiné. En attendant, la voiture roulait dans la direction de la Madeleine. Le paysage manquait de gaieté. Un ciel de charbon écrasait les toits silencieux et les becs de gaz faisaient danser leurs reflets sur l'asphalte désert et ruisselant. Chaque tour de roue plaquait au flanc de Raoul un échantillon du macadam. Chaque litre de pluie lui procurait un éternuement convulsif. Enfin, le cocher, qui chassait l'humidité au moyen d'un brûle-gueule, lui lançait au visage des flots de fumée âcre et nauséabonde. Heureusement, le coupé fit halte à l'angle de la rue Lafitte et du boulevard des Italiens. Guérac sauta à terre avec un sentiment non équivoque de satisfaction. « Merci, mon Dieu » s'écria-t-il. « Je vais donc savoir où demeure mon ami. » Pendant qu'il se secouait, M. Gibson descendit de voiture, étira son torse énorme, déploya son immense parapluie, fit quelques pas, tourna à gauche et gravit tranquillement l'escalier de la maison dorée. Raoul poussa un cri de rage. « Et quoi ? Cet infatigable mangeur allait-il souper ? » Il y avait apparence, car le cocher s'emmitoufla un homme que l'on a pris à l'heure et qui se dispose pour une longue station. Pour le coup, Raoul, dont les dents claquaient de colère et de froid, fut tenté de planter là sa victime. Mais un éclair de mémoire lui retraça les beaux yeux de Madame de Logel, sa main divine, son pied d'enfant, et surtout son enivrant sourire, son sourire éblouissant et nacré. S'il abandonnait la partie, quelle chance aurait-il désormais de s'approprier ses trésors ? Le malheureux se résigna et chercha un abri. Recherche difficile à la vérité. Se réfugier dans le restaurant ou bien dans un café quelconque, impossible. L'état de sa toilette lui eût attiré des regards qu'il se sentait incapable de tolérer. Quant aux portes cochères, elles étaient closes. Avec un peu d'hésitation, Guérac ouvrit sournoisement le coupé de son adversaire. Il s'y introduisit, leva les glaces, fourra ses doigts bleuis au fond de ses poches humides et, furieux, transi, enrhumé, grelottant, il se pelotonna du mieux qu'il put. Un certain laps s'écoula de la sorte. Petit à petit, la chaleur de son corps sécha ses vêtements qui dégagèrent une épaisse buée. Raoul fuma comme un fagot de bois vert et s'assoupit dans cette moite température. Lorsque M. Gibson reparut au seuil de la maison d'or, 2 heures du matin sonnaient à différentes horloges. La pluie avait cessé. Un vent frais éparpillait les nuages. La lune miroitait sur les toits mouillés et piquait d'étincelles vives les barres des boutiques. Trompé par ses points lumineux, M. Gibson s'avança en décrivant des huîtres et des zigzags vers ce qu'il prenait sans doute pour une ou plusieurs bougies. Le digne homme, qui avait absorbé autant de liquide qu'en peut jauger un Américain de 45 ans, appuya le bout de son cigare éteint contre une tige de fer plus franchement éclairée que les autres et aspira des bouffées imaginaires. Ce passe-temps était monotone. Cependant, il eût employé le reste de la nuit si ces imprécations n'eussent troublé le cocher au milieu de ses songes. Au croassement de M. Gibson, il ouvrit un œil, jura, battit l'air de ses poings, interrogea les ténèbres, fondit sur son client et le ramena, bon gré mal gré, auprès de la voiture. « Allons, oh, bourgeois, allons, oh, vous êtes en ribote, c'est très bien, mais moi je suis éreinté. Hop là, hop là. Où faut-il vous conduire ?» Ce langage chevalin, accompagné de secousses brusques, produisit quelque impression sur le mot favori. Après de prodigieux efforts de conception, il indiqua d'une voix pâteuse l'hôtel du Mississippi, place Lafayette. Puis, ayant été lancé au fond du coupé, il s'écroula sur Raoul. Raoul rêvait à Madame de Logel. Aplati en sursaut, il exhala un gémissement lamentable et repoussa la masse qui l'étouffait. Mais la présence d'esprit lui revint et ses clameurs s'éteignirent dans un silence plein de confusion. En effet, n'avait-il pas outrepassé ses droits en s'emparant de la voiture d'autrui? Si M. Gibson additionnait ce nouveau tort avec la somme des ennuis que Guérac lui avait déjà suscités, n'était-il pas à craindre que la conversation ne dégénérât en une boxe acharnée? « Monsieur, balbutia timidement Raoul, c'est encore moi. » Pas de réponse. « C'est encore moi, » répéta Guérac, encouragé par cette mansuétude. « Mais rassurez-vous, je n'ai aucune intention mauvaise, au contraire. Si vous consentez à m'accorder une minute d'entretien, vous... » Un ronflement sonore coupa la phrase en deux. Monsieur Gibson dormait en distillant des vapeurs vineuses et alcooliques. Guérac n'osa point l'arracher à son repos. Il préféra lui soutenir la tête et ce ne fut pas, croyez-le, une faible expiation de ses péchés. Il ruminait un plan d'évasion, quand cet horrible voyage eut eu un terme. Le cocher s'arrêta devant l'hôtel du Mississippi, mit pied à terre et carillonna. Lui s'entr'ouvrit. Un homme ébouriffé se montra en bras de chemise, une chandelle au poing. « Qu'est-ce que c'est ? » grommela-t-il. « C'est un pochard, » riposta froidement le cocher. « Alors c'est notre satané américain ? Possible. Allons, oh, venez le reconnaître !» L'homme ébouriffé s'approcha avec sa lumière. M. Gibson s'agita, cligna des yeux et murmura. « François, fermez les volets et débouchez la bouteille. » Et il se rendormit. « Eh bien, » dit le cocher, « est-ce un de vos locataires ? Le reconnaissez-vous ? Parbleu, » répondit François, « lui aussi me reconnaît. C'est cet animal de Gibson. Il ne rentre jamais qu'ivre mort, que le diable l'emporte. Prenez garde, s'il vous entendait. Lui, ah wesh, il est sourd comme une cave. Il est sourd ? Répéta Raoul, pour qui ce mot fut une révélation. Il est sourd ? Mais alors, il n'a rien compris à ce que je lui disais. Tout est à refaire. Allons, oh, bourgeois, allons, oh ! Hurlait le cocher en tiraillant l'ivrogne. Vous dormirez mieux entre vos toiles. Hop là, hu ! Ces interjections équestres n'eurent aucun succès cette fois. M. Gibson ne bougea plus, le grand air l'avait achevé. Le garçon d'hôtel l'empoigna sans façon par les jambes et l'extirpa péniblement du remise. « Tiens, ils sont deux » s'exclama-t-il. « Deux pochards ? » dit le cocher. « Voilà qui est curieux. Je n'en avais pourtant fourré qu'un dans ma boîte. « Comment, c'est vous, monsieur ? » ajouta-t-il en dépistant Guérac. « Oui, » fit Raoul embarrassé. Mon ami est malade, je n'ai pas voulu le quitter. Ah, c'est votre ami, dit François qui dressait tant bien que mal M. Gibson contre le mur. Eh bien, puisque c'est votre ami, tâchez de le caler un peu. Moi, j'y renonce. En effet, M. Gibson avait une tendance marquée à rouler dans la crotte. Raoul, pour justifier le rôle qu'il s'attribuait, surmonta sa répugnance et s'efforça de le maintenir debout en se demandant par lui sur tous les tons. Mais quel diantre de relation une femme comme Madame de Logel peut-elle avoir avec cet immonde individu ? C'est pas tout ça, intervint le cocher. Qu'est-ce qui me paye ? Moi, repartit le garçon. En ce cas, nous disons 2h30. 7,50 et le pourboire. Et soyez généreux, mon fils, puisque ça ne vous coûte rien. Vous pourrez lui compter 4 heures, si ça vous plaît. François sourit et régla. Un instant, s'écria Guérac, toujours empêtré sous le poids de l'Américain. « Cocher, attendez-moi, je vous garde. »« Allez vous asseoir, » fit le locati. « Mes bêtes sont esquintées, et moi pareillement. Je ne marcherai plus aujourd'hui pour 100 livres. »« C'est ce que nous allons voir, drôle. » C'est tout vu. Hop là, hop là. » Et cinglant ses quadrupèdes, il s'éloigna au grand trot, malgré les vociférations de Raoul.